conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que sait-on de ce que fait un cerveau ? Je voudrais commencer cette émission en rappelant une évidence déjà notée par Ludwig Wittgenstein. C'est un coup du sort étrange, remarquait-il. Tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. Fin de citation. Je me permettrai d'ajouter, dans le souci d'honorer la vérité, toutes les femmes aussi. Toutes les femmes dont on a ouvert le crâne avaient elles aussi un cerveau. Ce constat peu contestable et peu contesté étant fait, se pose la question de savoir quel rôle joue le cerveau dans notre rapport au réel. Par quel mécanisme nous permet-il de percevoir ce que nous percevons ? Par quel processus nos connaissances sur le monde se construisent-elles ? Parfois, c'est bien connu, nous nous trompons. Comment cela se fait-il ? Qu'est-ce qui alors déraille ? Par exemple, d'où vient qu'un accident cérébral peut nous faire croire qu'il y a 10 œufs dans une douzaine ? Et puis, il y a cette autre question cruciale. Quelle image nous faisons-nous de nous-mêmes ? Comment notre cerveau la fabrique-t-elle ? Que se passe-t-il dans la tête d'un banquier, c'est un exemple choisi au hasard, au moment où il se pense en banquier ? Est-ce différent de ce qu'il pense lorsqu'il oublie qu'il est banquier ? Les neurosciences et les sciences cognitives, qui sont en pleine ébullition, apporteraient-elles quelques réponses à ces questions ? Si oui, lesquelles ? Pour le savoir, j'ai invité un cerveau humain, donc banal en un sens, mais néanmoins très particulier, puisque ce cerveau n'est autre que celui de Laurent Cohen. Bonjour Laurent Cohen. Bonjour. Vous êtes professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous venez de publier « Comment lire avec les oreilles et 40 autres histoires sur le cerveau de l'homme ». C'est un livre passionnant que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et j'ai aussi, en lisant vos chapitres, enrichi mon vocabulaire. Par exemple, j'ai appris ce qu'est l'anosognosie. Oui, alors. Qu'est-ce que c'est ? Oui, pour faire de la neuropsychologie, il faut faire pas mal de grec. Donc l'anosognosie, c'est. Ça me rappelle. Il y a quelques années, on avait porté un diagnostic chez le président Chirac et un médecin avait dit ce qu'a le président Chirac, c'est de l'anosognosie. Ce qui était très rusé, parce que dire que quelqu'un est anosognosique, ça veut dire que ce quelqu'un ne se rend pas compte de ses difficultés, n'a pas conscience de ses troubles. Et ça permet de dire quelque chose sans pour autant dévoiler un diagnostic. Ça se voit dans toutes sortes de circonstances. Mais il y a des gens qui sont anosognosiques, par exemple, de leur cécité, des gens qui ne voient rien et qui ne s'en rendent pas compte. Ou des gens qui perdent la mémoire et qui ne s'en rendent pas compte. Ou des gens qui sont paralysés de la moitié de leur corps. Et qui ne s'en rendent pas compte. Est-ce que c'est pas incroyable? Parce que quand on est aveugle et qu'on ne voit pas, si tu veux dire qu'on est aveugle, il arrive toutes sortes d'accidents. Ah oui, absolument. C'est quelque chose qui se produit chez des gens qui ont une cécité corticale. C'est-à-dire qu'il y a dans le cerveau des régions qui servent à voir, qui servent à se construire une image du monde extérieur à partir des yeux. Et si ces régions sont détruites, eh bien, on devient aveugle. Et effectivement, parfois, il y a une anosognosie, c'est-à-dire que ces gens peuvent penser que tout est normal ou qu'éventuellement la lumière est éteinte, mais que tout va bien. Et ce que ça montre, ça, c'est que même des choses qui sont aussi évidentes, qui ont l'air évidentes, c'est-à-dire la conscience qu'on a d'avoir un bras gauche, que ce bras gauche devrait bouger, etc., c'est quelque chose qui est construit par le cerveau. Et si les systèmes qui construisent la conscience d'un trouble ne marchent pas eux-mêmes, eh bien, on ne peut pas avoir conscience de ce trouble. Pour pouvoir s'apercevoir que c'est pas normal, mon bras gauche est paralysé, encore faut-il avoir un point de référence, faut-il savoir qu'on devrait avoir un bras gauche, que ce bras gauche devrait marcher, qu'on devrait le contrôler. Si ceci est perdu, ou si on ne peut pas comparer la situation actuelle avec le souvenir qu'on a de la situation normale, eh bien, on est anosognosique. Mais est-ce que vous, le chercheur, vous apprenez des choses en examinant ces patients ? Alors, par exemple, un aveugle qui ne sent pas qu'il est aveugle, est-ce que ça vous donne des indications sur les zones cérébrales qui sont concernées par cette perte de sens du problème ? Je pense que tous les patients, c'est une source de données extraordinaire, notamment, par exemple, sur la prise de conscience. L'étude des patients est dans ce style-là, c'est-à-dire prendre un patient, converser avec lui, passer du temps avec lui, analyser très précisément ce qui, chez ce patient particulier, ne marche pas, faire les relations entre ce qui ne marche pas et ses lésions cérébrales, etc. C'est un aspect de la neuropsychologie, des sciences du cerveau, qui est extrêmement précieux. Qui est extrêmement instructif, qui a un peu passé de mode. C'est-à-dire que le développement de l'imagerie fonctionnelle cérébrale, par exemple, de l'IRM fonctionnel, etc., ont un peu fait passer de mode cette manière de comprendre les choses. Et je pense que c'est dommage. Votre livre est constitué de 40 chapitres, c'est 40 chroniques, je crois, que vous avez écrit à propos de questions relatives au cerveau. Le chapitre qui est consacré à l'anosognosie s'intitule « Docteur, je perds la mémoire. Depuis quand ?» demande le médecin. « Depuis quand quoi ?» Oui, ça c'est un peu une blague. C'est pas l'anosognosie, ça. C'est quelqu'un qui perd la mémoire, qui s'en rend compte. Ça c'est une espèce de caricature. Hein. C'est le type qui demande, qui va consulter le médecin et qui aussitôt oublie pourquoi il l'a consulté. Alors c'est un exemple extrême d'oubli à mesure. Hein. C'est quelque chose de dramatique. C'est un symptôme qui est connu depuis longtemps. C'est l'incapacité. C'est pas la perte de la mémoire en général. C'est l'incapacité à fabriquer de nouveaux souvenirs de ce qui nous arrive. C'est quelque chose qui se voit, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer. C'est souvent un des premiers symptômes. Ça peut se voir dans d'autres circonstances aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fabriquer de traces stables des épisodes de votre vie, ce que j'ai fait ce matin, ce que j'ai mangé hier soir, etc. Alors que souvent, les souvenirs plus anciens sont conservés. En préambule de votre livre, Laurent Cohen, vous écrivez ceci. « Méfiez-vous du livre que vous avez entre les mains ». Ah oui. Pourquoi? Oui, je commence par effectivement mettre un peu les gens en garde. Le développement des sciences cognitives, des neurosciences cognitives, etc. C'est certainement pas moi qui veut dire que c'est pas bien, c'est super, c'est une nouvelle manière de comprendre le monde, est-ce que c'est qu'un homme, etc. Mais il y a aussi un effet de mode qui se rajoute à ça. Et on a tendance à coller neuro avant un peu n'importe quoi, du neuro-marketing à la neuro-pâtisserie, je ne sais pas. Ça peut aller trop loin dans le sens où ça reflète, il me semble, une espèce d'espérance excessive. On demande au neuro quelque chose, de tout la expliquer. Réponse à toutes les questions, à la fois de tout expliquer et puis de donner des prescriptions aussi. Comment faut-il faire ça? Et donc, vous pensez que votre science est mal transmise ou trop utilisée à des fins autres que la connaissance? Oui, c'est en tout cas un risque. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est quand même assez bien transmis. Il faudrait que ce soit mieux transmis, mais c'est un peu. On lui donne un statut d'autorité peut-être excessive, de la même manière qu'on pouvait dire « qu'est-ce que je dois faire pour être heureux ?» On a tendance à dire « qu'est-ce que je dois faire pour que mon cerveau se porte bien ?» Un peu le mouvement. Alors justement, à propos du cerveau, quelqu'un a dit « l'humanité est parvenue à identifier des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière d'ici, a étudié des particules bien plus petites qu'un atome, mais elle n'a toujours pas élucidé le mystère de ce kilo et demi de matière qui se trouve entre nos deux oreilles. » Oui. Qui a dit ça? Je ne sais pas qui a dit ça. Je vais vous dire, c'est Barack Obama quand il a lancé le projet Brain, le 2 avril 2013. Oui, mais au moins, lui, il en avait un entre les deux oreilles. Oui, ça, son successeur, c'est moins clair. Le projet porte ce nom, Brain, et est-ce que ça a un sens pour vous? Est-ce que notre cerveau serait capable de se comprendre lui-même? Pourrait-il être plus intelligent qu'il n'est complexe? Je veux dire, l'intelligence qu'engendre sa complexité peut-elle être assez puissante pour cerner la complexité dont elle provient? Je méfie un petit peu des arguments très généraux du genre... théorème de Gödel, etc. Un système ne peut pas se comprendre lui-même. Ne peut pas... Bon, la réalité, c'est que il n'y a pas de limite actuellement perceptible à notre capacité de progresser dans la capacité, dans la compréhension du cerveau. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un objet d'étude extrêmement difficile, extrêmement complexe, mais on y applique les mêmes méthodes et les mêmes facultés que si on étudie exactement des particules microscopiques ou des galaxies. Et jusqu'à présent, on en découvre de plus en plus et rien ne laisse présager que ça s'arrête. Mais les physiciens, ils pensent qu'il y a quand même un en dehors du cerveau. Il y a un réel en dehors de nous qu'on peut comprendre par des lois. Ces lois rétroagissent sur notre pensée, donc sur notre cerveau lui-même. Oui. Il y a quand même une extériorité, alors que on pourrait penser, quand on étudie le cerveau, qu'il constitue la totalité du monde et qu'il déforme tous nos rapports au réel, donc et que l'existence même d'une réalité indépendante s'évanouit. Oui, c'est ça qui m'a angoissé en lisant votre livre, je vais vous dire. Je me suis demandé si un réel objectif existait. Ce qui est certain, c'est que le réel objectif... Enfin, ce qui est certain, me voilà transformé en Emmanuel Kant. Non, ce qui est certain, quand même, ce qui me paraît de bon sens, c'est que le réel et ce que notre, pour nous, ce que notre cerveau en construit. Hein, on a en permanence dans le cerveau, notre cerveau est fait pour avoir un modèle du monde extérieur et le réviser en permanence et en avoir un de plus en plus exact, de plus en plus efficace. Alors justement, on va donner des exemples pour entrer dans le concret. Vous parlez dans votre chapitre 2 de Hans, qui a beaucoup marqué votre cheval, le cheval malin oui. qui s'appelait Hans. Oui. Qu'est-ce qu'il avait le cheval ? Alors c'est une belle histoire. Oui, c'est ça s'est passé histoire. Au tout début du XXe siècle. C'était un cheval qui dont le maître était un ancien professeur de collège retraité et qui s'est dit bon j'ai un cheval qui est très intelligent, je vais l'instruire. Et il a fait la classe à son cheval. Il y a des photos magnifiques. J'en ai mis une photo dans le livre, effectivement, où on voit le maître en train de faire la classe en blouse grise à son cheval devant un énorme boulier, un énorme tableau noir. Et il a appris à son cheval à faire toutes sortes de choses, à lire, à écrire, à répondre à des questions, à compter, etc., etc. Et une fois que son cheval a été assez compétent et érudit, eh bien, il l'a montré à la fois dans des foires et puis devant des sociétés savantes. Et l'Europe s'en est émue, et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de Hans le cheval malin. Alors évidemment, les gens n'étaient pas plus jobards à l'époque que maintenant, et des commissions ont été mises en place, menées par de grands psychologues de l'époque, pour essayer de savoir s'il y avait une arnaque là-dedans. La conclusion de ces travaux, de la commission Pfungst, etc., ça a été de dire il n'y a pas d'arnaque, mais il y a un phénomène remarquable. Alors évidemment, le cheval ne savait pas tout ça. On ne peut pas apprendre à un cheval, effectivement, ses tables de multiplication, à connaître le jour de la semaine, etc. Donc ce qui se passait, c'est que le maître du cheval lui posait une question. Et puis le cheval, par exemple, 2 plus 3, alors le cheval avec son sabot commence à taper une fois, deux fois, trois fois. Et puis quand il s'approche de 5... qui est la bonne réponse, eh bien, le maître commence à ouvrir les yeux plus grands, à se redresser, il se dit « Ah, j'espère que mon cheval va s'arrêter au bon moment, etc. » Et le cheval perçoit ces petits signes émis par le maître, et effectivement, il tape jusqu'à 5 et puis il s'arrête. Non pas parce qu'il sait que 5 est la réponse, mais parce qu'il a perçu des petits signes émanant de son maître. Et donc le maître était de bonne foi. Et en plus, alors, on pourrait imaginer un maître escroc, mais en l'occurrence, son maître était de bonne foi. C'est-à-dire que ces petits signes étaient émis de façon tout à fait inconsciente. Mais est-ce qu'on a appris des choses du coup sur le cheval qui est capable de détecter des signes quand même assez faibles ? Alors d'une part, ça démontre, concernant le cheval, des capacités de qu'on pourrait appeler maintenant de cognition sociale. Ce qui n'est pas très étonnant parce que les chevaux ont affaire aux êtres humains et inversement depuis assez longtemps. Donc ils peuvent communiquer de façon subtile les uns avec les autres. C'est ce que vous diront certainement tous les cavaliers. Et puis ça a appris une deuxième chose qui est... finalement, ce qu'on fait encore maintenant quand on fait des essais thérapeutiques. Imaginez, vous inventez un nouveau médicament, vous voulez comparer à un vieux médicament, voir si lequel des deux est le mieux. Eh bien, on donne à un patient sur deux le premier médicament, un deuxième patient l'autre médicament. Mais surtout, il faut pas que ni le patient, ni même le médecin sache quel est le médicament donné à quel patient. Parce que si le médecin, même de bonne foi, savait quel était le médicament qui est donné à chaque patient, il pourrait, comme le maître du cheval, lui faire passer de subtils petits signaux, lui serrer la main un peu plus fort, avoir un plus grand sourire. Le patient pourrait recevoir ce message et se dire, consciemment ou inconsciemment, « Oh là là, le docteur a l'air d'y croire, ça va sûrement marcher. » Et de ce fait, avoir un effet placebo qui marchera mieux. Donc ça a eu des conséquences sur la pratique de votre recherche. Voilà, c'est en tout cas un phénomène qui se reflète dans des cette histoire bonnes de pratiques. Hans, elle remonte au début du XXe siècle, fin XIXe même. Est-ce que depuis, on a progressé ? Est-ce qu'on arrive à mieux éduquer certains animaux ? Ou est-ce que cette leçon a servi à calmer les espoirs ? En tout cas, je crois que... Je ne sais pas si notre but doit être d'éduquer les animaux. Les animaux ont des compétences qui sont différentes des nôtres, qui sont très supérieures dans certains domaines, très inférieures dans d'autres. C'est un sujet qui a été... Un des derniers cas que je connaisse où cette question est donnée, était vraiment soulevée, c'est dans le cas du langage. C'est-à-dire que... une des grandes questions, c'est, voilà, vous voyez, qu'est-ce que ça de spécial, un être humain, par rapport aux autres animaux ? Une des grandes particularités, c'est le langage, évidemment. Les gens parlent, les animaux parlent pas. Et des gens se sont demandé, est-ce que c'est vraiment lié à des différences biologiques entre les espèces, ou bien c'est juste une question d'éducation. Donc, à partir de la moitié du XXe siècle, il y a des gens qui ont éduqué des petits singes, en même temps que leurs propres bébés à la maison, un chimpanzé, un gorille, etc., pour voir si, moyennant qu'on les éduque bien, ils pourraient apprendre à parler. Et la réponse a été que non, qu'arrivé à un certain âge, les petits bébés parlent très bien, les petits singes ne parlent pas du tout. En revanche, les petits singes grimpent aux arbres très très bien, et puis les petits enfants, eux, ne le font pas. Donc il y a vraiment une différence, c'est vraiment des différences innées entre les espèces. Êtes-vous musicien, Laurent Cohen, ou mélomane? Mélomane, oui, sûrement. Oui. Musicien, oui, aussi. Oh, je l'ai été un peu, mais malheureusement, plus guère. En tout cas, vous avez choisi un morceau de musique que nous allons écouter, il est de Bach. On reconnaît bien Bach, mais quel morceau est-ce précisément? C'est une transcription d'un morceau d'une cantate, de la cantate BWV 155. Et c'est une transcription qui a été faite par une certaine Harriet Cohen, qui était une pianiste assez célèbre et un personnage assez remarquable, assez romantique, notamment entre les deux guerres mondiales. Une pianiste anglaise, très belle. Très bonne musicienne, qui était l'amie de tout le monde, qui est un personnage public aussi. Donc, et la musique elle-même, ce qui est frappant, c'est que c'est une musique qui, je trouve, magnifique, bouleversante, etc., et qui est extraordinairement répétitive. C'est-à-dire qu'il y a un motif de 7 notes, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, et qui se répète, pas à l'infini, mais ça pourrait continuer, et que tout est construit sur cette répétition. Alors d'habitude, dans la musique de Bach, les répétitions sont surtout... Il y a beaucoup de répétitions simultanées, empilées les unes sur les autres, dans le contrepoint. Là, ça m'a paru bien, parce que la répétition est réduite à sa plus simple expression. Les répétitions sont successives, ça se répète l'un après l'autre, et puis c'est l'essence de la musique, un peu, de se répéter comme ça, et d'être... On va changer de sujet, là. On va parler des banquiers. Je les ai évoqués dans mon petit préambule. Est-ce qu'un banquier se pense de la même façon selon qu'il pense qu'il est banquier ou selon qu'il est un peu comme n'importe qui? Oui. Il y a un chapitre dans votre livre qui s'intitule « Je fais toute confiance à mon banquier, quoique ». Ça m'a effrayé. Oui, ça m'effraie un petit peu aussi, parce que je voudrais surtout pas me fâcher avec mes banquiers, dont on a évidemment le plus grand besoin. Mais je ne dis rien de mal des banquiers. Non, vous racontez l'expérience qui a été publiée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui a été... c'est un aspect de ce qu'on appelle la neuroéconomie. La neuroéconomie, c'est la science des mécanismes par lesquels on prend des décisions, finalement. On évalue nos choix. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est mieux de faire ci, de faire ça, etc.? Et la manière dont on évalue les choses dépend de l'image qu'on a soi-même. Et un banquier va probablement agir différemment selon qu'il se considère lui-même à ce moment-là comme agissant en banquier ou n'agissant pas en banquier. Et donc la question qui a été posée dans cette étude-là dont je parle, c'est est-ce que les banquiers sont honnêtes ? Et c'est une question qui tout le monde se pose naturellement, d'une part parce qu'on a affaire à des banquiers, et d'autre part parce qu'il y a eu des tels scandales au cours des dernières années impliquant des banques, que c'est une question qui devient une question scientifique finalement. Et ça a été fait de façon très rusée. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris des banquiers, des gens qui travaillent dans des banques, et ils les ont mis, évidemment ça aurait été trop bête de les comparer à des non-banquiers, c'est trop tôt, parce qu'on dit, bah voilà, il est peut-être devenu banquier parce que c'était un escroc dans l'âme. On n'aurait pas pu démêler la poule de l'œuf. Et donc, ils n'ont pris que des banquiers. Et certains banquiers, ils les ont mis, si je puis dire, en mode banquier, en leur posant d'abord des questions. Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre banque? En quoi consiste votre métier? Qu'est-ce qui est important quand on est banquier, etc. Donc, ils les ont mis mentalement dans leurs chaussures de banquier. Et puis, d'autres banquiers, ils les ont fait parler de toute autre chose. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Est-ce que vous jouez au foot? Et combien vous avez d'enfants, etc. Pour les mettre en mode monsieur tout le monde, pas en mode banquier. Bon. Et ensuite, ils les ont soumis à un test d'honnêteté, si je peux dire. Et c'est un test qui lui-même est extraordinairement simple et rusé. Vous prenez quelqu'un, donc chacun de ces banquiers, ils les ont fait entrer dans une petite pièce fermée, et ils leur ont dit, ben, vous allez jouer, tirer 10 fois à pile ou face. Vous avez une pièce et vous tirez 10 fois à pile ou face. Vous sortez ensuite de la pièce et vous me direz combien de fois vous avez gagné pile ? Combien de fois c'est tombé sur pile ? Et autant de fois que c'est tombé sur pile, je vous donnerai 10 dollars, par exemple. 20 dollars. 20 dollars ! Ah ben voilà, vous voyez, je vous lis. Voilà, 20 dollars. 20 dollars pour chaque fois que votre pièce est tombée sur... Sachant que personne ne vous surveille. Non, vous êtes enfermé dans vous votre déclarez pièce. Le nombre que voilà, vous voulez. Voilà, vous déclarez. Vous, voilà, soit le vrai nombre, soit un autre. Nous comptons sur vous pour agir honnêtement, voilà. Donc ensuite, l'expérience se passe, et puis les deux groupes sortent de leur petite pièce. Et alors évidemment, c'est vrai que si le banquier A vous dit « Moi j'ai eu 8 fois pile, je veux 160 dollars ben, », vous allez leur donner les 160 dollars. Vous pourrez pas savoir s'il a triché ou pas. Mais en moyenne, si vous testez 50 banquiers dans la condition banquier et 50 banquiers dans la condition monsieur tout le monde, vous allez bien voir, en moyenne, si ça dépasse les 50% attendus ou si ça ne dépasse pas les 50% attendus. Donc, même sans lorgner par-dessus leurs épaules, vous pouvez savoir si, en moyenne, un groupe a triché par rapport à l'autre. Et la réponse est oui. La réponse, c'est que les mêmes personnes, quand ils sont en mode banquier, eh bien, ont plutôt tendance à tricher un peu plus. 58% de pile. Voilà, 58%. Alors que les autres, en mode non banquier, sont à 50%. Voilà. Donc, ils ont... en apparence plus honnête. Voilà. Voilà. Donc, la conclusion. La conclusion, c'est que les gens qui travaillent dans des banques sont exactement aussi honnêtes que les autres, bien entendu. Mais que, quand on se met dans un état d'esprit donné, eh bien, ça peut modifier vos actions, vos choix, la manière dont on évalue ce qui est bien et ce qui est mal, etc. Mais est-ce que ça ne vaut que pour les banquiers, si on prenait une autre profession? Alors, que... non, c'est sûrement pas spécifique aux banquiers. Cela dit, dans cette même étude, ils ont testé d'autres groupes certaines populations sont légèrement plus honnêtes que les banquiers, notamment les gens qui sont en prison, et d'autres comment qui sont très honnêtes, qui sont les médecins. Voilà, donc ça, c'est les extrêmes. Les gens en prison sont plus honnêtes oui, que les alors banquiers. Je ne sais pas s'ils ont testé ou s'ils ont demandé l'opinion du grand public sur quelles sont les professions les plus honnêtes. Les gens... Oui, j'ose à peine le dire, mais les prisonniers de droit commun sont considérés comme légèrement plus honnêtes que les banquiers, je crois. Mais ce n'est pas ma propre opinion. Là encore, je voudrais me fâcher avec personne. Bien. Eh bien, écoutez, nous en serons garants. Il y a un autre sujet qui est largement commenté dans votre livre, Laurent Cohen, c'est... Une question qu'on discute beaucoup aujourd'hui, c'est est-ce que nous devenons plus idiots qu'avant ? Sachant que les tests de QI, paraît-il, montrent sinon une décroissance, du moins une stagnation des performances à cette sorte d'examen. Oui, alors ce qu'on appelle les tests, est-ce qu'on devient plus idiot ? Est-ce que l'intelligence augmente, diminue, etc. Il faut savoir comment on mesure ça. Ce qu'on appelle l'intelligence ici, c'est en gros les résultats faits à des tests de QI. Un test de QI, c'est toute une batterie de plein de petits tests qui testent plein de choses différentes. Et c'est vrai que, et ça c'est surtout une bonne nouvelle, tout au cours du XXe siècle, au moins dans des pays occidentaux où ça a été fait, on a observé une augmentation authentique des performances des tests de QI, même en tenant compte de l'évolution des sociétés, etc. Ça a authentiquement augmenté. Et ce qui est vrai aussi, c'est que ça a l'air de plafonner. Et qu'il y a certaines données qui indiquent que ça aurait tendance à diminuer un peu. Alors, ce qui est certain, c'est que ça a augmenté au cours du XXe siècle. Ça, c'est des données tout à fait robustes. La question de savoir si ça a plafonné... Alors, d'abord, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ça peut plafonner. De bonnes, c'est-à-dire plutôt qui conduisent à l'optimisme. C'est que, au cours du XXe siècle, les gens ont été mieux soignés, les enfants ont été mieux éduqués, les femmes enceintes ont été mieux suivies, etc., etc. Ce qui fait que les performances, les capacités ont augmenté et que maintenant, mon Dieu, au moins ici, les conditions de vie sont suffisamment bonnes, de vie et d'éducation sont suffisamment bonnes pour que ça se soit un peu stabilisé, on soit arrivé à un plafond. Il y a des données qui suggèrent que ça baisse. Je ne sais pas si ces données sont suffisamment fiables et suffisamment reproduites pour qu'on puisse dire effectivement ça baisse ou si c'est juste des choses qui doivent nous inciter à une certaine prudence. Alors évidemment, il y a des gens qui disent « oui, mais ça baisse beaucoup parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, parce que l'éducation se casse la gueule, etc. » Pour l'instant, je serais assez prudent, en tout cas, sur la robustesse des données qui indiquent que ça baisse. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Votre livre s'intitule « Comment lire avec les oreilles ?» Et vous avez en effet un chapitre intitulé, qui parle de ce qu'on appelle l'écholocalisation. Il s'agit de voir avec les oreilles, et ce que vous dites est absolument incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend des cubes de même poids mais de taille différente... Oui, alors il y a eu... Nous, évidemment, on a tendance à considérer que le plus gros est le plus léger. Il est rempli d'air, en quelque sorte. Non, l'effet, c'est un effet. Si vous avez, je me souviens, il y avait ça quand j'allais au Palais de la Découverte, quand j'étais petit. C'est une illusion assez forte. C'est-à-dire que si on vous montre... Un gros cube et un petit cube, par exemple, et qu'on vous demande ensuite de les soulever, et que, en réalité, malgré leur différence de taille, ils ont le même poids, vous aurez l'impression que le gros cube est léger, alors que le petit cube est lourd. Pourquoi ? Parce que vous vous attendrez à ce que le gros cube soit lourd, parce qu'il est gros, et donc vous serez surpris qu'il soit plus léger qu'il ne devrait être, et ce plus léger qu'il ne devrait être, vous le percevrez comme léger. C'est un effet de surprise, effet de surprise, et vous allez juger de façon absolue, comme étant dans l'absolu léger, quelque chose qui n'est que relativement léger, relativement à ce que vous aviez attendu. Alors, effectivement, je parle de cette illusion bien, bien classique à propos de l'écholocalisation, c'est-à-dire que chez les aveugles, certains aveugles utilisent un petit peu les échos de ce que renvoient les objets qui les entourent. C'est-à-dire que tout le monde peut en profiter, si je peux dire. Si vous êtes dans une petite pièce confinée et sourde, vous allez vous en rendre compte, même si vous avez les yeux fermés, vous allez bien sentir que vous n'êtes pas dans une cathédrale, parce qu'il n'y a pas d'écho, parce que le son revient d'une manière différente, etc. Chez certaines personnes aveugles, cette capacité à utiliser les sons qui reviennent en écho, à partir des sons que vous produisez en tapant, en claquant des doigts, en tapant par terre, en parlant, etc. Cette capacité à utiliser ces échos est particulièrement développée, parce que ça peut être utile, c'est une petite aide. Et pour revenir au cube, quand on fait cette illusion des cubes à des gens qui sont aveugles et qui sont capables d'utiliser ces échos, cette illusion marche. C'est-à-dire que c'est comme s'ils voyaient le grand cube. Grand, simplement parce que le grand cube envoie un écho différent du petit cube. Ce qui veut dire que l'idée, c'est que, puisque cette illusion très automatique, qui est vraiment très perceptive, très automatique marche, c'est que vraiment, les échos leur donnent une sorte de perception automatique, comme la vue du monde extérieur. Et comme les gens qui voient, ils ont l'impression que le gros cube est plus léger que le plus petit. L'illusion marche, ce qui veut dire que le système de perception finalement s'en fiche de savoir si l'information vient des yeux, ou vient des oreilles, ou vient d'ailleurs. L'analyse, et ça, c'est un phénomène assez général. L'analyse se passe ailleurs, ou plutôt c'est une question que vous posiez au début, c'est-à-dire que ce qu'essaye de faire notre cerveau, c'est d'avoir une représentation à jour, correcte, la plus correcte possible, du monde extérieur. Et pour mettre à jour cette représentation du monde extérieur, quels sont les objets qui sont là, où est-ce qu'ils se trouvent, où ils se trouvent, quelle est leur taille, etc., eh bien, le cerveau fait feu de tout bois, utilise toute l'information utile, disponible, qu'elle vienne des yeux, qu'elle vienne des oreilles, etc. Et que donc, sa capacité à utiliser l'information, eh bien, il utilise l'information de la même manière, d'où qu'elle vienne. Que la provenance de l'information, en un certain sens, est un détail. Et c'est en fait, le titre du bouquin « Lire avec les oreilles » fait référence à d'autres expériences faites chez des aveugles sur la lecture. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait, qui est un travail qui a été mené par Amir Hamedi à l'Université de Jérusalem, avec lequel on a collaboré. Ce qu'on voit, c'est que quand des gens qui voient, normalement, lisent, eh bien, il y a une petite région du cerveau, toujours la même, exactement, toujours placée au même endroit, qui sert à reconnaître les lettres. Si cette région est endommagée, vous ne pouvez plus lire. Et inversement, quand vous lisez et que tout se passe bien, cette région s'allume avec des méthodes d'imagerie fonctionnelle cérébrale. Ce qu'on a montré, c'est que si vous prenez des gens aveugles, de façon congénitale, qui n'ont jamais rien vu, mais qui savent lire, parce qu'ils ont appris, par exemple, à lire en braille, avec les doigts, ou à lire avec d'autres techniques, avec les oreilles, en passant leur indiquant la forme des lettres avec les oreilles, eh bien, c'est exactement la même petite région du système visuel cérébral qui sert à reconnaître les lettres. Autrement dit, cette région, et c'est peut-être une caractéristique générale du cerveau, son travail, c'est pas de voir les lettres. Son travail, c'est de traiter les formes des lettres et de les relier avec le langage. Et d'habitude, ces formes sont perçues à partir des yeux, mais si rien ne vient à partir des yeux, eh ben, c'est pas grave. Elle va faire le même travail qu'elle fait d'habitude. Vous voulez dire à que partir des oreilles ou à partir des doigts. Les aveugles et les voyants lisent au même endroit du cerveau. Voilà. Voilà. C'est ça l'idée, exactement. C'est-à-dire que même la reconnaissance de la forme des lettres dont on pourrait penser que c'est quelque chose de purement visuel, et c'est une région qui est dans le cortex visuel, eh bien, s'il n'y a pas de vision, s'en accommode et recycle cette région pour faire le même travail à partir d'autres sens. Je vous propose de quitter les lettres et d'aller vers les chiffres, et les mathématiques plutôt. Vous racontez l'histoire extraordinaire de Jacques Inaudi. Oui. Qui avait, paraît-il, la bosse des maths. En fait, vous n'avez rien du tout, mais c'est là que commence l'histoire de la bosse des maths. Était ce jeune garçon? Alors, c'était un des fameux calculateurs prodiges du 19e siècle. C'était vraiment tout un roman, sa vie. Hein. J'essaie de raconter une partie de sa vie. C'est un très pauvre petit garçon italien dont les parents ont envoyé. Leur mère est morte et puis ils sont allés, lui et ses frères, oui, en France. Votre chapitre s'appelle « Sans famille ou la vie de Jacques Inaudi ». Ah oui, c'est du Hector Malot. Hein, plus personne ne sait qui est Hector Malot, mais je vous dis, c'est ça. Et bref, qui est venu mendier en France et qui s'est trouvé un talent particulier pour les calculs, les maths, a fini par se produire dans les cafés à Marseille, qui a été repéré par un impresario, qui est monté à Paris parce qu'il était un calculateur prodige. On lui disait « je suis né tel jour », il disait en un tour de main « ça veut dire que vous avez vécu tant de secondes ». Voilà. Et autres calculs extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été présenté à de grands noms de la science de l'époque. Il a rencontré Charcot. Il est monté à Paris, comme on dit. Il est monté à Paris et effectivement, vous posez la question de la bosse des maths. L'idée que les facultés, les gens, la raison pour laquelle les scientifiques de l'époque se sont intéressés à lui, c'est parce que depuis à peu près 1800, depuis le début du 19e siècle, il y avait une théorie qui était dans l'air, qui était la théorie de la phrénologie, c'est-à-dire que les différentes fonctions cérébrales, intellectuelles, les différentes fonctions mentales, la mémoire, les maths, le langage, etc., reposent sur différentes parties du cerveau. Et donc, ce qu'on avait proposé, ce que Franz Joseph Gall avait proposé au début du 19e siècle, c'est que si quelqu'un a une partie du cerveau, et donc une faculté mentale particulièrement développée, eh bien, le cerveau, en se développant, aurait pousser un peu sur la boîte crânienne et créer une petite bosse. C'est ça qui vient de l'idée des bosses, c'est que si vous palpez le crâne de quelqu'un, si vous sentez une bosse à un endroit donné, ça veut dire que le bout de cerveau qui est en dessous est particulièrement développé, et ça veut dire que la faculté mentale... Ou alors qu'il s'est cogné la tête. Ça, c'est l'autre explication. Non, mais rassurez-vous, de toute façon, la phrénologie ne tient pas debout. Ce qui reste de la phrénologie, c'est l'idée que le cerveau est un organe spécialisé, dont les différentes parties ont chacune des rôles particuliers. Et alors, ce qui est resté dans le langage commun de ça, c'est la bosse des maths. Et effectivement, si vous regardez les portraits de l'époque de ce pauvre Jacques Inaudi, enfin pauvre, je sais pas, et on l'a toujours dessiné, surtout quand il était enfant, en exagérant monstrueusement la difformité de son crâne, en lui mettant des bosses à des endroits où il n'y en avait pas du tout, d'ailleurs, dans cette perspective de phrénologie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était calculateur prodige, vous l'avez dit, mais également illettré. Oui. Effectivement. Il a appris à lire sur le tard. À lire sur le tard. Alors, on peut se demander comment il faisait pour calculer. Eh bien, ça a été étudié par des psychologues dès le début du XXe siècle, qui ont distingué des calculateurs prodiges, en gros, de grandes espèces. Il y en a qui travaillent avec les mots, avec les noms, des chiffres. C'était son cas. Parce que son grand frère lui avait appris des tables de multiplication, il les avait bien mémorisées, il avait trouvé différents trucs. Et puis il y a d'autres calculateurs qui travaillent avec une manipulation visuelle des nombres. Et ça, c'est-à-dire comme s'ils avaient une espèce de tableau noir dans la tête sur lequel ils imaginent qu'ils écrivent les nombres, etc. Évidemment, pour cette deuxième catégorie de calculateurs, ceux qui sont visuels, ceux qui sont écrits, il faut être lettré, il faut savoir lire. En revanche, chez les petits bergers et chez les petits Jacques Inaudi qui sont calculateurs prodiges, c'est généralement une représentation auditive des nombres, une représentation des nombres comme mots parlés, plutôt. Il avait appris par cœur plusieurs carrés de nombres entiers. Oui, alors notamment Charcot, le grand neurologue parisien, Jean-Martin Charcot, avait assez bien compris ce qui se passait, quelles étaient les techniques qu'il utilisait. Notamment fondé sur la mémoire. Et il lui avait demandé, je ne me souviens pas. Il lui a demandé la racine carrée de 65 536. Voilà. Et qui est 256, comme vous savez. Voilà, qui est 256, comme nous le savons tous. Et je crois que. Alors, il a réfléchi et il s'est trompé. Il s'est trompé, il a dit 255, je crois. Et il a trouvé ça parce qu'il connaissait par cœur les carrés de plein de nombres. 251, voilà, 252, 257. Donc il dit, ça doit être ça, donc ça pourrait être 255. Et il a proposé 255 qui était faux. Et à ce moment-là, Charcot l'a un petit peu cuisiné. Il a dit, mais vous voyez, 255, ça se finit par 5. Si on le multiplie par lui-même, à la fin, ça ne peut pas se terminer par 6. Comme 65 536. Exactement. Et ça, Inaudi ne l'a absolument pas compris. Parce que... le calcul arithmétique au sens habituel lui échappait complètement. Et donc ça apprend des choses aussi sur les deux modes de calcul que vous avez évoqués. L'un qui passe par une lecture, disons, un peu lettrée des chiffres. Alors, et c'est l'autre vrai qui passe que... par autre chose. Oui, c'est vrai que ces deux styles de calculateur prodige renvoient un petit peu à une question plus générale qui est de savoir comment on se représente les nombres, comment les nombres sont représentés dans notre tête. Alors c'est un sujet sur lequel dans le temps avec Stanislas Dehaene on avait beaucoup travaillé. Et en deux mots, quand vous connaissez le nombre 27 par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement que vous connaissez évidemment les mots 27, mais les mots 27, c'est comme les mots chaise et table que vous pouvez pas entendre, prononcer, etc. Il y a une deuxième chose, vous les connaissez sous forme de chiffres arabes, qui a une notation très spéciale pour les nombres. Bon. Et puis il y a une troisième chose que vous connaissez, qui est le sens très particulier de ce nombre, très particulier parce que c'est des quantités. Vous savez que 27, c'est à peu près la moitié de 50, que c'est beaucoup plus de 2, etc. Vous avez une représentation abstraite de la quantité approximative que ça représente. Et autant la représentation comme mots ou comme chiffres arabes, c'est un truc qui est spécifique aux êtres humains adultes, éduqués à l'occidental, autant la représentation des quantités, c'est quelque chose qu'on partage avec toute l'humanité, mais aussi avec des nouveaux-nés humains, mais aussi à peu près avec toutes les espèces d'animaux. On a montré que des lions, des singes, des cafards, des salamandres, des oiseaux, etc., étaient capables de manipuler des quantités, c'est-à-dire choisir, par exemple, un arbre où il y a plus de fruits qu'un autre, ou éviter un groupe de singes hostiles si ce groupe est plus nombreux que notre propre groupe d'un facteur 1,5, par exemple. Tout ça, ça nécessite des manipulations de quantité qu'on partage avec beaucoup d'espèces vivantes. On peut compter approximativement sans dénombrer. Oui, on peut compter de façon approximative sans connaître le nombre exact. Et en fait, il y a des expériences qui ont été faites chez des enfants de 2 jours d'âge, par exemple par Véronique Izard, qui a montré qu'un tout petit bébé, mais un nouveau-né réellement, se rend compte et est capable de savoir que 4 sons correspondent à 4 points sur un écran, mais pas à 12 points sur un écran. Alors que finalement, quand on y pense, 4 sons et 4 points, la seule chose qu'ils aient en commun, c'est le nombre, c'est la numérosité. Ce qui veut dire qu'ils ont un sens inné des quantités. Alors qui est approximatif, ils peuvent distinguer 4 de 12, ils ne peuvent pas distinguer 4 de 8. Ensuite, le temps passe, les années passent, et ce sens d'appréciation des quantités se raffine progressivement avec le temps, et il devient parfaitement précis au moment où on apprend les noms des nombres. Quand vous apprenez les noms des nombres, à utiliser des noms, des chiffres arabes, etc., vous pouvez étiqueter de façon non ambiguë, parfaitement précise, 2512, c'est pas pareil que 2513. Par exemple, moi-même, j'ai pu compter qu'il s'est écoulé 42 minutes depuis le début de cette émission et que c'est le moment de passer le deuxième morceau de musique que vous avez choisi. Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience 2 jours avant Noël et sans aucune méfiance acceptent tout pêle-mêle. La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi 4 planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé mon sang, je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute, poussière était mon nom. Laurent Cohen, Charles Trenet, pourquoi ? Oh, c'est évident. C'est beau dans la poésie, c'est le passé, la nostalgie. Et puis c'est fragile, on se dit qui dans 50 ans pourra vibrer aux choses impalpables dont il parle là-dedans. Hein ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que vous pensez que le rapport à l'amour, à la mort va changer ? Je pense pas, mais je pense que les indices qu'il donne vont devenir incompréhensibles. C'est comme les choses de Georges Perec, quoi. On dit, voilà, ça dénote un moment précis, fragile et passager du temps et des objets dans lesquels nous sommes. Mais... Alors, vous parlez justement dans votre livre d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est lorsque, avec Stanislas Dehaene, que nous avons reçu à ce micro il y a quelque temps, vous avez fait la connaissance d'un monsieur que vous appelez Monsieur N, l'approximateur. Oui. Qui avait eu un accident cérébral et qui vous a beaucoup intéressé. Beaucoup intéressé, qui a joué un rôle important dans ce qu'on a fait. Je vous disais tout à l'heure qu'on se représente les nombres de plusieurs manières. L'une qui est approximative et quantitative, c'est-à-dire c'est un peu, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus, un peu moins, etc. Et qui n'est pas spécifique aux êtres humains. Et puis, ce qui a à voir avec le langage, d'autre côté, qui est précis, qui permet de manipuler les nombres. Dans le premier cas, on peut dire que 2 plus 2 est égal à 5 pour les grandes valeurs de 2. Voilà, exactement. Mais on a fait ça avec ce monsieur, avec ce monsieur N. C'était un patient qui avait eu une grosse lésion de l'hémisphère gauche, un gros accident, et qui était très aphasique, c'est-à-dire que son langage était très détérioré. Et on s'est aperçu qu'avec les nombres, il pouvait faire des choses pas mal, étonnamment bien, par rapport à la grande détérioration de son langage. Donc il pouvait manipuler les nombres de façon, je dirais, à peu près convenable, mais approximative. Et par exemple, vous donnez l'exemple de 2 plus 2 égale 5, on lui a montré des additions, des petites additions, en lui demandant simplement de dire lesquelles étaient justes, lesquelles étaient fausses. 2 plus 2 égale 4, 2 plus 2 égale 5, 2 plus 2 égale 9. Alors, 2 plus 2 égale 4. Alors, 2 plus 2 égale 9, pour lui, c'était très facile de dire que c'était faux. Je dis non. 2 plus 2 égale 9, non. Mais 2 plus 2 égale 4 et 2 plus 2 égale 5, pour lui, ça se valait. C'est pareil. Autrement dit, quand quelque chose était très faux, faux de beaucoup, il le voyait. Quand quelque chose était faux de peu, eh bien, c'était pas différent de la situation où c'était tout à fait exact. Autrement dit, il était capable de faire des espèces d'additions approximatives de quantité, rejeter ce qui était très faux et accepter ce qui était vrai ou presque vrai. Et ça mais il acceptait toujours ce qui était vrai. Pas toujours. Oui, mais ce qu'il disait pas toujours, pas toujours. Mais aussi le mois de janvier dure entre 15 et 20 jours. Oui. Un quart d'heure dure entre 10 et 20 minutes et une heure dure 50 minutes. Bah, tous les exemples que vous donnez, c'est toujours faux. Mais le point important, c'est que c'est pas très faux. Et dire qu'il y avait, on lui avait demandé effectivement combien il y avait 2 dans une douzaine, il avait dit 6 ou 10, il n'a pas dit 200. 10, c'est pas loin. Mais est-ce que vous pensez que les professeurs de mathématiques doivent tenir compte de ces approximations comme étant de bonnes réponses dans leur manière de corriger les copies? Je pense que ce n'est pas ce qu'on demande. On aurait des notes approximatives. Évidemment, il y a une note approximative. Vous avez quelque chose entre 2 et 18. Mais ça sert, en fait. Parce que quand vous faites un calcul, si pour une raison de vous trompez d'une colonne, etc., vous allez avoir un résultat grossièrement faux. Vous allez vous en apercevoir, même si vous ne connaissez pas le résultat exact. Si je vous dis, vous êtes un grand scientifique, un physicien, peut-être calculateur prodige, je ne sais pas. Non, pas du tout. Mais si je vous dis... Mais les physiciens sont sensibles à ce qu'ils appellent les ordres de grandeur. Exactement. Ils n'ont pas besoin d'avoir... Tout le monde est sensible aux ordres de grandeur. Si je vous dis 47 multiplié par 23, vous n'allez pas tout de suite savoir combien ça fait. Mais si je vous dis ça fait 57 208, vous allez tout de suite me dire non. Ça ne peut pas être ça. Voilà. Vous m'avez retiré de la bouche. Exactement. Voilà. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Laurent Cohen, vous parlez de ces choses que certains d'entre nous connaissent, les acouphènes. Ah oui, oh là là. Ces bruits bizarres, perturbantes, insupportables parfois. C'est insupportable parfois. Est-ce qu'ils sont réels ou est-ce qu'ils sont inventés par la machinerie cérébrale? Tout ce qu'on entend est inventé. Voilà. Tout ce qu'on entend est inventé par la maladie, par la machinerie cérébrale. Il n'y a pas un monde objectif qui fait du bruit. Non, le bruit, c'est nous qui le fabriquons. Non, les acouphènes. Il y a des ondes de pression. Mais oui, mais des ondes de pression, ce n'est pas du bruit. Du bruit, c'est comme les couleurs. Les photons qui arrivent dans nos yeux ne sont pas colorés. La couleur, c'est quelque chose que notre cerveau invente pour qualifier les objets qui renvoient la lumière. Néanmoins, tous les sons que nous entendons grâce à notre cerveau ne sont pas des acouphènes. Non. Donc, quelle est la différence? C'est que, les sons qui ne sont pas des acouphènes, c'est des sons dont nous avons de bonnes raisons de penser, qui sont provoqués par des objets qui sont à l'extérieur de nous. S'il y a une pièce de monnaie qui tombe par terre, vous allez entendre quelque chose, ça ne va pas être un acouphène, parce que par ailleurs, vous savez qu'il y a une pièce, parce que vous l'avez vue, parce qu'on vous l'a dit, etc. Alors les acouphènes, c'est des sons, eux, qui sont des sons fantômes, c'est-à-dire que notre cerveau les fabrique alors que rien ne se passe à l'extérieur. Et c'est parfois épouvantable. Et quand je dis son fantôme, c'est parce qu'il est probable que ça s'explique, les acouphènes, comme les membres fantômes. C'est-à-dire que si quelqu'un est amputé d'un bras ou d'une jambe, etc., très souvent, après l'amputation, les gens continuent à avoir l'impression que le membre est là. Et très souvent, ce membre fait mal. C'est ce qu'on appelle les douleurs fantômes, les douleurs de membres fantômes. Pourquoi ? Parce que même si vous enlevez une jambe, eh bien, toutes les représentations de cette jambe dans le cerveau, tous les neurones installés dans le cerveau et qui s'occupaient de cette jambe, eux, ils sont toujours là. Alors, même s'il n'y a plus de jambe, les neurones créent une jambe dans le cerveau, d'une certaine façon. Et ils ne fonctionnent plus normalement, ces neurones. Ils ne reçoivent plus l'information qu'ils devraient recevoir de la vraie jambe, puisqu'il n'y a plus de vraie jambe. Et donc, ce mauvais fonctionnement des neurones de la jambe, eh bien, provoque ce membre fantôme, et ce membre fantôme douloureux, souvent. Eh bien, les acouphènes, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les acouphènes viennent généralement chez des gens qui sont un peu sourds. C'est une des conditions, c'est d'être un peu sourd. Et quand vous êtes un peu sourd, eh bien, de la même manière, votre cerveau, le cerveau, la partie du cerveau qui s'occupe de recevoir les sons, ne reçoit plus les sons qu'il devrait recevoir. Donc il monte le son, comme vous dites. Et donc, alors, soit il monte le son, soit de façon, c'est probablement plus compliqué que ça, eh bien, la région du cerveau, le système cérébral qui devrait recevoir une certaine fréquence sonore et ne la reçoit pas, eh bien, ne fonctionne pas normalement, se connecte normalement aux régions, anormalement aux régions voisines et fabrique ces sons fantômes et qui eux-mêmes ont une répercussion dans les systèmes qui s'occupent de la mémoire, des émotions, etc. Ce qui fait que ça devient éventuellement insupportable. Alors, le cerveau, c'est aussi un lieu où se passent des choses pendant le sommeil. Ah bah et oui. J'ai compris en vous lisant, Laurent Cohen, que si on ne se souvient pas de ses rêves, ce qui est mon cas assez souvent, paraît-il, enfin, c'est pas paraît-il, c'est ce que je constate, je suis pas très bon pour les psychanalystes, j'ai pas de grain à moudre pour eux, c'est parce qu'on dort très bien. Oui, c'est plutôt un bon signe, c'est-à-dire que tout le monde rêve. Ça, c'est absolument certain, tout le monde rêve, même pas mal. Pendant le sommeil, il y a deux grandes phases. Il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, pendant lequel le cerveau est presque comme s'il était éveillé. Il n'est pas éveillé, mais il est presque comme s'il était éveillé. On est complètement paralysé, mais on rêve beaucoup. Et puis, il y a ce qu'on appelle le sommeil lent, pendant lequel on rêve aussi. Il y a d'autres genres de rêves, et tout le monde rêve. Et par exemple, toutes les études où on fait dormir des gens dans un laboratoire et on les réveille en plein sommeil, eh bien, à ce moment-là, si on vous réveille en plein sommeil, eh bien, si vous êtes en train de rêver, vous allez dire, bah oui, je suis en train de rêver, je rêve ceci, cela. Et en effet, les gens qui disent « je ne rêve jamais », c'est des gens qui dorment très bien et qui justement ne se réveillent pas pendant les rêves. Parce que c'est quand vous vous réveillez pendant un rêve qu'à ce moment-là, vous vous en souvenez après. Si vous dormez comme une souche, vous rêvez autant, mais juste... Donc il faut se réveiller naturellement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être interrompu par un réveil ou par... On est interrompu, on s'en souvient à ce moment-là de son rêve. Et donc pour se souvenir de ses rêves, il faut avoir un mauvais sommeil. Oui, et d'ailleurs c'est une expérience assez courante. Quand on dort dans un endroit nouveau, quand on est en vacances, dans un hôtel, dans un mauvais lit, etc. À ce moment-là, enfin, c'est ce que j'ai observé, on ne dort pas bien et c'est très agréable. Parce qu'on se souvient de ses rêves. Il y a des gens qui essaient de noter les rêves, oui. Et donc ça parce qu'il n'y a pas un travail rétrospectif la mémoire. Oui, ce que je sais, c'est que les gens qui veulent noter leurs rêves, au début on peut pas, et puis au fur et à mesure, quand on laisse un carnet à côté de son lit, qu'on note systématiquement les choses, ça devient de plus en plus facile. Je sais pas exactement ce qui se passe, je sais pas si ça implique une détérioration de la qualité du sommeil ou pas. Il y a deux autres mots que j'ai appris en vous lisant, enfin parmi très très très grandes listes. Du grec aussi certainement. Il y a l'akinétopsie, la perte de la vision du mouvement, et on ne voit pas les objets qui bougent, qui doit être très handicapant. Oui, alors c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, mais est-ce qu'il n'y a pas des animaux qui ne voient que les objets qui bougent, à l'inverse? Ah peut-être. Peut-être, je sais pas, mais ce que ça montre, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on revient à la phrénologie, à Gall, etc. Le cerveau est fait de petites machines spécialisées, et ça, dans le domaine du système visuel, de la vision, c'est particulièrement bien connu. Et parce que vous pouvez, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir une lésion à un endroit bien précis qui fait que tout est normal, sauf que quand vous voyez une lettre, vous ne la reconnaissez pas, vous direz c'est quoi ce triangle machin alors que c'est un A. D'autres régions pas très loin, si vous avez une lésion à cet endroit-là, vous ne pouvez plus reconnaître les visages, vous avez une prosopagnosie, alors que tout le reste va bien, vous ne reconnaissez pas les visages des gens que vous connaissez, mais vous reconnaissez leur voix, etc. Si vous avez une lésion un petit peu plus loin, vous avez une achromatopsie, c'est-à-dire que, c'est encore du grec, vous voyez tout, sauf que vous voyez en noir et blanc, dans une partie au moins de votre champ visuel, et la fameuse akinétopsie dont vous parlez, où tout est normal, sauf que quand un objet bouge, il disparaît. Et il y a quelques patients comme ça qui ont été décrits. Une dame qui, quand elle est par exemple dans une salle où il y a un cocktail avec des gens réunis, eh bien, elle voit quelqu'un à un bout de la pièce, puis ce quelqu'un disparaît. Quand il va servir au buffet. Quand il va servir au buffet, et puis pof, il réapparaît à côté du buffet. Ou bien quand on lui verse, quand elle verse une tasse de thé, eh bien, le thé déborde parce que elle ne voit pas la surface du thé qui monte et elle s'aperçoit que c'est trop tard, ça a débordé, etc., etc. Incroyable. Alors, écoutez, on approche de Noël, hein, vous le savez, Laurent Cohen. Oui. On a besoin de bonnes nouvelles. Oui. Ah. Eh ben oui. Et vous parlez de l'effet bonne nouvelle et vous citez dans votre livre une phrase qu'on attribue à Churchill. En ce qui me concerne, je suis optimiste. Ça a bien l'air d'être la seule attitude utile. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Oh, mais c'est la sagesse même. C'est-à-dire que c'est un peu de la neuroéconomie, ça, à l'extrême. C'est-à-dire que on a besoin d'y croire. On a besoin d'y croire. Pourquoi faire quelque chose plutôt que rien? Si je me souviens bien, il y a un chapitre qui s'appelle comme ça dans le livre. Pourquoi faire quelque chose plutôt que rien? Si non, c'est le chapitre, oui, c'est vrai, mais celui dont je parle, celui où se trouve cette citation de Churchill, c'est la vie en rose ou l'optimisme des neurones. Oui, on est tous optimistes. C'est une espèce de biais universel, c'est-à-dire que si on vous donne, on donne plus de foi à une bonne nouvelle qu'à une mauvaise nouvelle. Alors pourquoi il y en a autant de mauvaises? Ah, hélas. Pour compenser? Mais, oui, peut-être. Les mauvaises sont peut-être plus surprenantes et plus intéressantes dans ce sens-là. Mais on croit plus aux bonnes nouvelles et c'est assez logique parce que ça nous permet de nous mettre en action. Quelqu'un qui n'a pas une vue suffisamment optimiste de l'avenir ne va rien faire. Si on fait quelque chose, c'est parce que la perspective d'agir nous projette dans un futur qui est meilleur que le présent. Ou si on a le choix entre deux actions différentes, on va se dire « qu'est-ce qui me projette dans le plus beau futur ?» Et on essaye d'imaginer le futur. Et on se met en action grâce à ça. Et si on se mettait pas en action, on mourrait de faim assis sur une chaise. Ce qui, d'ailleurs, peut se voir là aussi chez des patients. Il y a des patients qui sont ce qu'on appelle apathiques, ce qui est une espèce de forme pathologique de ce qu'on pourrait appeler, dans les circonstances normales, de la paresse. Et un patient apathique, pour des raisons de maladie X ou Y, eh bien, bien qu'il soit capable de faire n'importe quoi, ne va rien faire. Va rester assis, va rester couché, et il va falloir le pousser, l'inciter à se mettre en mouvement, parce que de lui-même, il n'arrivera pas à se motiver. Autrement dit, de même que les paranoïaques peuvent avoir de vrais ennemis, les pessimistes peuvent avoir des déconvenus. Absolument. Ça sera le mot de la fin. Laurent Cohen, merci d'être venu à la conversation scientifique. Joyeux Noël à tout le monde. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Alain Joubert et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.